Un nom qui te fera danser dans les clubs, un beat efficace, une basse qui enlève la poussière des meubles. Trait de connexion, un nouveau nom dans ta collection. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Trait de connexion, un nom qui te fera danser dans les clubs, un beat efficace, une basse qui enlève la poussière des meubles. Pour les nouveaux, les anciens, Paris, banlieue et province. Pour les vrais, pour les faux, pour les clochards ou bien pour les princes. Du son maison, pour les hommes libres et ceux en prison. Une cargaison de rimes sur ce système que nous méprisons. La coma, c'est pour toi mon gars et pour tes copains. Pour les nostalgiques et pour tous ceux qui pensent à demain. Dans ta cité, ton pavillon de banlieue, ton appart, tu sois peace and love ou bien champion de full contact. Kaira et Zulu et tous ceux qu'on sorti la sape, accrochez-vous. Secret connexion passe à l'attaque. La connexion, une conception avancée dans le business. L'écoute se dévaut mieux vu qu'aujourd'hui ton hip-hop se disperse. Tu sois un pacha ou bien que tu sois en cours à la fac, lève ta main en l'air, je t'envoie une vraie caisse claire qui claque. Qui que tu sois, où que tu sois, je te souhaite la bienvenue. Que tu sois un grand timide ou bien du genre qui en met plein la vue aux corrompus. Je m'adressais plus aux gens honnêtes, dédicacés aux MC d'ici qui ont pas la grosse tête. En fait, un, c'est clair, c'est net et précis. C'est pour les esprits larges et aussi pour les plus rétrécis. Apprécie le son qu'on balance, garçon, pour toi. Secret connexion, Ahmed Poma encore une fois. Secret connexion, un nom qui te fera danser dans les clubs. Un beat efficace, ouais, une basse qui enlève la poussière des meubles. Secret connexion, un nouveau nom dans sa collection. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Secret connexion. Un nom qui fera danser dans les clubs, un beat efficace, une basse qui enlève la poussière des meubles. Secret connexion, un nouveau nom dans sa collection. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Une fois, deux fois, v'là le deuxième couplet. Pour ceux qui font des petits concerts et ceux qui affichent complet. Pour ceux qui aiment pas le rap et qui un jour se laisseront tenter. Le garçon qui a du coupé, suppose tu t'es pas trompé. Crédibilité, efficacité au micro, niveau assez haut. Flow plus que chaud et barre bien placé. Blasé, gagneur et loser, tout le monde dans le même sac. Faut que ça continue et que les faux stars voient ce massacre. L'union fait la force, alors je m'efforce de dédier quand même ce rap à ceux que j'aime pas et tous ceux qui ne comprennent pas nos paroles, nos ambitions, notre ligne de conduite. Notre vie se complique et c'est peu dire qu'on est tous niqués. S'impliquer, secret de connexion le fait en finesse. Augmente la vitesse sans jamais foncer, la tête baissée. On bosse afin de s'infiltrer dans ce bise. Pousse les basses pour que la France entière est balise. Secret de connexion, un nom qui te fera danser dans les clubs. Un beat efficace, une basse qu'enlève la poussière des meubles. Secret de connexion, un nouveau nom dans sa collection. Jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction. Secret de connexion, un nom qui te fera danser dans les clubs, un beat efficace, une basse qu'enlève la poussière des meubles. Secret connexion, un nouveau nom dans sa collection. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Secret connexion, un nouveau nom danser dans les clubs, un beat efficace, une basse qu'enlève la poussière des meubles. Secret connexion, un nouveau nom dans sa collection. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Connexion, un nouveau nom danser dans les clubs, un beat efficace.